Une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Magic System. Et c'est reparti pour une nouvelle semaine. Bienvenue dans Planète Rap avec les magiciens. Ils sont là. Comment va le Magic System? Ça va. Ça fait plaisir de vous avoir cette semaine. Plaisir partagé. De retour dans Planète Rap. Ouais. Pour la sortie d'un nouveau projet qui arrive lundi. Ouais. Donc on est à 7 jours. 7 jours de la sortie. Exact. Le 19 mai. J-7. J-7. Africainement vôtre, cet exact. Album. Nouvel album avec toujours le même état d'esprit Magic System dedans. C'est ça, ouais. Il y a de la fête, mais il y a aussi. Mais il y a aussi des paroles. De messages. Et beaucoup de messages. Surtout beaucoup de messages. Ouais. Je me souviens que le dernier Planète Rap qu'on avait fait, la Côte d'Ivoire, c'était un moment un peu tendu pour la Côte d'Ivoire. Ouais, c'était en 2011. On était en plein. En pleine guerre en Côte d'Ivoire, ouais. C'était en pleine guerre. Est-ce que le pays va mieux? Est-ce que ça va? Ça se remet en route. Le pays sort doucement de sa convalescence. Ça va, c'est un pays qui est en train de se remettre. Et Magic System doit aller avec. C'est-à-dire chacun doit jouer sa partition, chacun doit être un maillon pour le retour de la paix en Côte d'Ivoire. Et je crois que cet album africainement va contribuer encore plus au retour de la paix en Côte d'Ivoire. Et ben on l'espère, en tout cas moi ça me fait plaisir de vous avoir, parce que c'est vrai, souvent les gens me disent mais Magic System, pourquoi dans Planète Rap? Il y a toujours le terme Planète Rap qui dit c'est pas du rap, mais si, pour moi vous êtes aussi du rap, parce que... Ah ouais, parce que les gens oublient, c'est que... Vas-y, je te laisse. Je voulais dire aux gens que le rap et le Zouglou ont quelque chose en commun. Ils ont un truc en commun, évidemment. Voilà. Ouais. C'est des musiques de proximité, c'est des gens qui viennent du ghetto, qui ont toujours envie de dire quelque chose. Et c'est des gens qui vont contre l'injustice. Et aujourd'hui, voir Magic System à Planète Rap, ça ne doit pas surprendre. Parce que le rap, le Zouglou et le reggae ont la même vision. C'est de défendre les plus défavorisés, les plus démunis, et dire directement ce qui doit être dit. Avec un côté en effet positif. Voilà. Même si vous, justement, la misère, vous l'avez connue, et vous la côtoyez aussi encore, je suppose, un petit peu au quotidien quand vous allez notamment en Côte d'Ivoire. Exact. Il y a toujours aussi ce côté, voilà, positif. Voilà, il faut toujours s'en sortir, toujours avoir cette envie de s'en sortir, ouais. Exact. C'est pourquoi nous sommes plus proches des rappeurs. Et vous allez remarquer que la plupart de nos succès, c'est avec, les artistes qui font du rap, c'est vrai, parce que nous avons les mêmes idéologies, et ça c'est très important. Et les artistes de rap vous aiment beaucoup aussi, tout comme nous, et c'est tant mieux. Envoyez les messages avec le hashtag Magic System sur Skyrock, et tiens, pour se rappeler justement ce parcours incroyable, parce que c'est quand même un parcours incroyable du Magic System. Ouais. Il y a quand même, t'imagines l'aventure quand elle a commencé, il y a presque 20 ans maintenant. Ouais, c'est, disons avec Premier Gaou il y a 15 ans. Il y a 15 ans, ouais. Magic System. Mais Magic System existait avant, ouais. Ouais, moi je sais que quand on faisait Premier Gaou, il y en a qui n'étaient pas nés, qui aujourd'hui passent le bac. Donc il faut dire qu'il y a eu du chemin parcouru quand même. Et le chemin, on l'a résumé, enfin, chemin, on a pris une voie rapide, hein, parce que si on devait tout mettre, on était là jusqu'à demain, facile. Un très petit medley, mais qui fait plaisir de réécouter tous ces morceaux du Magic System. Écoutez. C'est ça qui est la vérité. Premier Gaou n'est pas Gaou, c'est deuxième Gaou qui est Niatao. On n'est pas fatigué sur Skyrock, hein? On n'est pas fatigué. Y'a pas problème. Avec Magic System, ça c'est le son qu'on aime. Nous n'aimons pas fatigué. C'est fini. C'est ça qui est la vérité. Le Magic System avec nous entre 20h et 21h. Alors bon, c'est un résumé, un court. Ouais. Ça fait quoi d'écouter tous ces morceaux, voilà, de se dire putain, on a fait tout ça déjà. Ben, ça fait plaisir, et puis ça donne de la joie au cœur, et puis ça donne encore beaucoup de courage pour encore bien bosser. Ça va magie. Hein. Voilà, et puis je vois tous les messages qui arrivent en disant voilà, respect pour Magic System, bravo, vous nous faites danser, vous nous faites réfléchir, voilà, on passe un bon moment à chaque fois avec vous. Et ça va être le cas avec cet album qui sort dans une semaine. On a fini le medley justement avec Magic in the Air. Ça a été le premier extrait de cet album. Non, il y a eu Mamadou. Ah, il y en a eu un. Il y a eu Mamadou. Mamadou, qui était sorti avant. Voilà, le deuxième extrait c'est Magic in the Air. Magic in the Air qui est produit par Red One, c'est ça celui-ci? Exact, produit par Red One, belle rencontre en plus. Ouais. Et puis aussi pareil, un beau parcours aussi Red One, parce qu'il est parti du Maroc, la Suède, les États-Unis. Ouais, c'est quelqu'un qui est parti d'Afrique aussi, ouais, qui est parti tout comme Magic System. Et qui a fait le tour du monde. Par s'imposer, voilà, qui a fait le tour du monde, et ça c'est très important. Ahmed Chouk, il est également présent sur le morceau. Ouais. On balance le titre? Ah ouais, pourquoi allez, pas. C'est parti, Magic in the Air tout de suite. Allez, à fond. Magic in the air, aye, aye, aye, levez les mains en l'air, allez, allez, allez. Feel the magic in the air. Magic System, Red One, Shawty. Qui va à la fin d'habitude, j'ai la petite phrase. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, on n'a pas voulu mettre une petite phrase. Laquelle aurait pu coller sur celle-ci? Magic in the Air. Ben, vous avez pensé pas. Ou pas? Même pas, non? Non, on n'a même pas pensé parce que c'est quelque chose qui vient comme ça. Bon, en tout cas, voilà, le Magic India à l'instant, Magic System, c'est vrai que je regardais et tout, et en vous écoutant, je me dis, vous êtes toujours là, voilà, après ces plusieurs années, il n'y a jamais eu de tension, jamais de truc dans le groupe, il y a toujours cet esprit d'aller de l'avant dans le Magic System. Ouais. Mais... Ah, bah, vas-y. Ouais, mais parce qu'on a grandi ensemble, donc il n'y a pas de soucis. À chaque fois qu'il y a des histoires, on essaie de régler ça ensemble. Comme chez nous, on dit, le Leysan, c'est de l'âme en famille. Mm-hmm. Donc il n'y a pas de soucis, quoi. Voilà. Et puis on a la chance, comme il a dit, on a la chance. Nous avons grandi ensemble, on partage tout ensemble depuis l'enfance. Et puis c'est pas des camarades, mais c'est plutôt des frères. Ouais, c'est ça, il y a le côté fraternel, quoi. Le côté fraternel. Qui est super important dans le groupe. Oui. C'est ça. Et surtout, on a un passé aussi qui nous rend encore plus solidaires, qui nous rend plus unis. Quoi, parfois même dans les familles, vous avez pas vu cette vidéo, j'en ai parlé à l'instant de Jay-Z avec sa belle-sœur. Il y a la photo, bon, il y a la vidéo qui tourne sur le net, qui a été révélée par le site très intelligent TMZ, qui est de l'entrée de Jay-Z dans un ascenseur avec Beyoncé, suivi par la sœur de Beyoncé qui s'appelle Solange et qui se jette sur Jay-Z avant d'être séparé par le garde du corps, c'est en train de faire un carton sur le net. Et c'est vrai que les gens aiment bien comme ça les disputes, donc on va profiter de vous, où là, il y a ce côté fraternel chez vous. Non, il y en a, le lait, ça. Vous n'avez pas pris l'ascenseur ensemble, là, ça va, dans l'ascenseur? Non, ça va. Parce qu'à 4 blagues dans un ascenseur en train de se battre, c'est pas une bonne nouvelle, ça. Ah, oui. Ça peut être dangereux. Surtout quand les portes s'ouvrent. Bon, Magic System avec nous, c'est Africainement Vote. On va écouter un autre extrait. On fera aussi un petit blind test dans un instant. Donc, appelez-nous si vous voulez participer au blind test. Envoyez un message au 41 759. Ça n'a pas été évident pour moi, enfin pour certains titres. Ouais. C'est moi qui vais donner des extraits, en fait, des lyrics de Magic System. Okay. Et on va avoir un auditeur, deux auditeurs qui vont s'affronter et à eux de nous donner le nom du morceau en premier. Okay. Vous pourrez souffler un peu, aider, je vous connais, il va y avoir un peu de magouille, normal. Mm-hmm. Ça va aller. Ça va aller. Donc inscrivez-vous, vous repartirez avec évidemment des albums dédicacés du Magic System 41 759. Allez-y, on écoute un autre morceau de cet album, Africainement Vôtre. Oui, qui est Africa. Africain? Oui, puisque l'album c'est Africainement Vôtre, on a fait une chanson. Cette fois c'est pas la fête, c'est un message que nous lançons au continent africain, un message qui est très important. Et ce titre c'est Africa. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai que du groupe, Magic System, il y a toujours aussi ce côté lyrics conscient. Il faut aussi, même si il y a le côté festif, voilà, balancer des messages. Exact. Et celui-ci est important, il fait partie de l'album, il est d'ailleurs en deuxième position sur l'album, donc je suppose que c'est... un titre important pour vous, extrait d'Africainement Vôtre, Magic System tout de suite et le morceau Africa. Mais dans la mer, nous devons l'aider. changé. On va te chanter. Ce message Africa à l'instant. Magic, on pourra applaudir Magic System. Africainement Vogue, c'est le nom de cet album où vous retrouvez donc ce morceau qui s'appelle Africa et qu'on écoutait à l'instant sur Skyrock, le Magic System. On va saluer aussi DJ Abdel qui est là, qui j'ai l'impression qu'il fait partie de Magic System. Là, c'est le cinquième magicien. C'est le cinquième magicien. Ouais. Ça va Abdel? Ça va et toi après? En pleine forme? Super. Bon, il paraît que tu nous as fait un long medley qu'on découvrira tout à l'heure. Ouais, un petit nous, on a eu une dizaine de minutes. On a eu un cours tout à l'heure en début d'émission. Ouais. Et toi, il paraît que le tien, alors là. Bon, c'est facile, hein, c'est Magic System. Que des tubes, donc c'est facile. Ouais, c'est même compliqué d'ailleurs. Tube, donc ça devient compliqué même à faire des pour choisir tous les morceaux. Exactement. Bon, bah, bienvenue Abdel, fait plaisir d'avoir Abdel, le cinquième magicien. Exactement. Ouais, c'est le cinquième. Sur Skyrock, c'est l'album Magic System qu'on découvre une semaine avant sa sortie lundi prochain. Et là, petit blind test justement avec les lyrics, les morceaux cultes de Magic System. Allô, Agnien. Oui, allô. De Lille, comment ça va, Agnien? Ça va bien, merci. Il paraît toi que tu bouges sur tous les sons du Magic System. Ouais, j'aime beaucoup. C'est ma fiche RG qui m'a été renseignée sur toi. Je te présente les magiciens, ils sont là. Ça va Anya, donc bon en pleine forme. Du côté de Lille. Et donc face à toi, ça va être le nord contre le sud. On a Samy Sud-Ouest, Samy de Bordeaux. Salut Samy. Salut. Ça va? Alors, bien Samy? Ouais, c'est bon, je vous entends. Eh ben nous aussi on t'entend. Bienvenue. Oh. Bienvenue, merci. Bon, toi, tout se passe bien dans la vie, tu fais quoi? Moi, je viens de sortir de l'école de gendarmerie, je me suis blessé. Oh merde. C'est bien en même temps. Écoute, pour courir après les mecs, ça va être compliqué. Ben ouais. Ah, oh, Samy, bon, mais ça va, tu peux au moins faire le blind test. Bah oui, ma bouche, elle parle. Eh ben, la bouche, elle parle. C'est quand même plus pratique. Bon, ouais. Anya et Samy, quand vous avez la bonne réponse, je sais pas, vous criez, vous hurlez, comme votre prénom à la limite, ou alors vous criez Magic System, j'ai la réponse, parce que vous voulez, on va vous reconnaître en même temps. Le principe est simple, je vous file des lyrics, et vous me dites sur quel morceau des Magic System, de quel morceau des Magic System il s'agit. Prêt? Yes. Ouais. Attention, c'est une affaire de Dolce Vita, on est là pour le show. Chéri Coco. Oh. Anya 1. Ouais. Ça a mis zéro pour l'instant. Ça, c'est le genou qui est pété. Un peu de mal à réagir. C'est mon temps de réaction. Bon, attends, prêt. Donc, c'était en effet Chéri Coco, la réponse d'ailleurs. Ouais, tu peux chanter, Samy. Hein. C'est un grand chanteur. Voilà. Chéri Coco avec Soprano qu'on salue aussi, c'était en 2011. Deuxième extrait, pour l'instant on a 1-0. Partout c'est la même, pas de fatigue et c'est le thème. Non. Magic in the air. Non plus. Non plus. Qui a un petit indice? Même pas fatigué. Wow. Bravo. Bravo Anya. Merci. Le sont quand même. Partout c'est la même, pas de fatigue et c'est le thème. À l'instant 2-0 pour Anya. Anya, attention, il va falloir te réveiller, Samy, surtout. Ouais, mais je suis perdu. Le troisième extrait, il est peut-être pour toi. Alors, ah ouais, le troisième extrait, il est pour toi, il est pour moi surtout. Oh non, mais les gars, là, celui-ci, il est dur. Alors, attention. Okwale Walio Walio Wai. Awalio Wai. Okwale Walio Walio Wai. Attention, attention, attention. Vas-y, faites-le. Au lieu de vous foutre de ma gueule, allez-y, faites-le. Okwale Walio Walio Wai. Agawa Wurin. Ouais. Bravo Anya. J'avais dit. Voilà. Non, c'est pas Samy, tu l'as dit après. Putain, j'hallucine, en plus Oran c'est ma ville quoi. Eh bien tu vas y retourner. J'ai moyen. Voilà, c'était presque ça en même temps. Hein. Ouais, c'était ça. Ouais. Bon là on joue un petit peu pour la gloire, hein, pour le final, Anya, maintenant, attention, est-ce que tu es prête? Ouais. Je te demande plus à toi Samy, hein, parce que on t'a perdu. Hein. Attention, on t'invite à la magie, il n'y a pas de raccourci, oublie tes soucis. C'est chaud, ça brûle. Non. Oh non. Oh. Plus récent, plus récent. C'est plus récent. C'est très récent. Ah, c'est... Magic in the Air. Ah, ah. Allez. Ah. Allez, hop, hop, hop. On en est à 3-1. Ouais, 3-1. 3-1 pour Anya. Ouais. Dernier extrait maintenant, attention. Pour la gloire, Samy, essaye de l'avoir. Tant qu'il y a la vie, on dit toujours il y a espoir. S'il y a espoir, tu dois bouger. Bouger. Samy, il est totalement à côté de la plaque, mais ça, je pense que c'est le genou ou l'école de gendarmerie, un des deux, il dit. Un des deux, en tout cas bravo à toi, tu repars Anya avec t-shirt, DVD, album dédicacé. On te remercie quand même Samy, hein. Ouais. Ah, il est en déception. Merci Samy et puis propre établissement à toi. J'ai laissé les filles gagner, parce que je suis galant. Classe, classe, classe. Tu veux son numéro de téléphone aussi pour qu'on y est. Ah ouais. Ah, il dit pas non. Merci Samy, merci Anya en tout cas pour ce petit jeu, le blind test des Magic System. On va revenir avec vous messieurs. Il y aura un gros mix réalisé par DJ Abdel d'ici DJ quelques Abdel, minutes. Le cinquième magicien. Et qu'est-ce qu'on mettra d'autre de l'album? Ben j'ai envie de... On va faire un délire, on va mettre ouais. Tu es fou. Tu es fou? Ouais, tu es fou, ça oh, c'est oui. La folie ça. Eh ben ne bougez pas, c'est après ça. Ouais. Comme toi, Magic System a choisi Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est toute la semaine dans Planet Rap, entre 20h et 21h, le Magic System. On est à 7 jours de la sortie Africainement Vôtre. Cet exact. Album qui est enregistré où d'ailleurs, celui-ci? Un peu partout ou... Un peu partout, Abidjan, Paris, oui, un peu partout. Un peu partout, pareil, avec une équipe de producteurs, des gens différents. J'ai vu qu'il y avait oui, on a eu quand même pas mal de producteurs. On a eu Akos, avec qui on a commencé l'album. Il y a eu Olivier Blé à Abidjan. Il y a eu Edwin ici à Paris. Il y a eu Fred Quigno. Fred Savio. Il y a eu aussi Red One. Donc, il y a au moins 5 ou 6 producteurs sur cet album. Ça fait combien de temps que vous étiez dessus sur celui-ci, sur l'album, sur Africainement Vôtre? On a travaillé 18 mois sur cet album. Ah oui, 18 mois. Ouais, 18 mois. 18 mois. Parce que c'est. Il fallait trouver l'équation juste pour pouvoir associer les rythmes. On a dit Africainement Vôtre parce qu'il y a des sonorités africaines, il y a la rythmique africaine. C'est le Magic System des premières heures qu'on retrouve dans cet album. Puis aussi avec un peu de fraîcheur comme Tu es fou, C'est l'homme qui a peur et Magic in the Air. Et bon, on va écouter Tu es fou maintenant. Et juste avant, tiens, je pose une question pour repartir avec l'album dédicacé du Magic System. Quel a été le premier gros tube des Magic System? Ouais, assez simple, hein, si on suit. Moi, je me souviens plus, en tout cas. Ça va être assez simple, tu vas voir comme ça va défiler. Il y en a eu tellement. Allez-y, 41759 avec le hashtag Magic System sur Skyrock. L'un ou l'une d'entre vous repart avec l'album dédicacé à la question: quel est le premier gros tube des Magic System? On écoute Tu es fou? Tu es fou. Allez, c'est extrait d'album. C'est en exclu. Magic System, yeah. On va déconner. Tu es fou, nous aussi on est fou. Hey, hey. Yeah, c'est ça, c'est... On y va. Oublie tes problèmes et ton stress. Faut jamais baisser les bras. Donne-toi la force d'aller plus loin. Il est temps pour toi de bouger. Alors ensemble, on va danser pour oublier tous nos ennuis. Qu'est-ce que tu attends, on va chanter. C'est parti pour tuer. C'est Skyrock et c'est Planète Rap avec ce morceau Tu es fou à l'instant. Ouais, je crois qu'ils sont, ah ouais. Ils sont bien allumés quand même. Bien, c'est bon. L'album est prêt. L'album est prêt, africainement vôtre. Africainement vôtre. Et pour ceux qui sont pressés, je crois qu'il y a déjà les précommandes. Ah, on peut y aller, on peut aller cliquer. Voilà, on peut aller cliquer. Il y a les précommandes sur iTunes et tout le monde peut déjà précommander son bébé parce que c'est. Voilà, c'est le dernier bébé de Magique et il n'y a que du bonheur à partager dedans. Et puis avec un peu de chance, si on précommande maintenant, on a aussi Magic in the Air qui arrive tout de suite. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mamadou peut-être aussi, je ne sais pas. Oui, il y a Mamadou, il y a ma mélodie aussi. Ah oui, donc on est déjà refait. Si ah on ouais. précommande maintenant, on est déjà refait. Ah ouais, En attendant lundi prochain. Voilà, en attendant lundi prochain. Et la sortie le 19 mai du Magic System, africainement vôtre. À découvrir sur Skyrock. J'entends que le mix se prépare de Abdel qui sera au platine dans un instant. Et juste avant, on accueille Donox de Saint-Brice, pardon. Allo, allo, Donox. Ah. Donox, il nous appelle très loin, il nous appelle de l'espace. Donox, nous sommes connectés. Oui, Donox. Donc, alors, tu veux faire un freestyle? Ah, il a raccroché. Il est parti, il a peur. Oh là là. Truc bizarre avec vous, en fait, les magiciens. Hein, non, pourtant, on a voulu opérer de la magie. Je suis Attention, les magiciens. Attention. Ne faites pas flipper. Est-ce qu'on peut dire un petit mot, d'ailleurs, sur les expressions? Parce qu'il y a beaucoup d'expressions qui sont venues par vous. Ouais. Par l'Afrique aussi. Je pense à enjailler, des termes comme ça. Enjaillement, c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. C'est ça, ouais. Yafoy. Yafoy, exact. Voilà, c'est ça. Alors, quelle va être l'expression pour 2014? laquelle il faut suivre? Mais je crois que pour le moment, on n'a pas encore l'expression. Mais vous savez que c'est en été que les expressions viennent. Donc, attendons un peu et puis on va voir ce qui va venir pour cette année. Mm-hmm. Voilà. Rien pour l'instant de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de truc qui cartonne en Côte d'Ivoire qu'il faut dire? Non, actuellement en Côte d'Ivoire, non. Pour le moment, non, non. Il n'y a rien pour le moment. Bon. S'il y a quelque chose, on ne va pas hésiter. Tiens, en même temps, ce serait bien ça. Il n'y a rien pour le moment. Il n'y a rien pour le moment. C'est pas mal celle-ci, non? Il n'y a rien pour le moment. Ah, je vois bien ça. Bon, on la met de côté. Si vous avez mieux à nous proposer, n'hésitez pas aussi avec le hashtag Magic System sur Skyrock. On a retrouvé Donox, qui est de retour sur Terre normalement. Allô Donox de Saint-Brice. Ah oui, ça marche mieux. Ouais. Ah, Donox, alors. Ouais, si, ouais, il y avait une petite interférence. Ah bah là, c'était une grosse interférence même. Ouais, tranquille. Ça va en forme? Ouais, tranquille et toi? Bah, je te présente le Magic System avec nous cette semaine dans l'émission. Ah, salut, ça va? Salut, ouais, ça va et toi, tu vas bien? Si, la forme. Là, tranquille et toi? Pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien pour le moment. Il n'y a rien pour le moment. Mais il va y avoir beaucoup avec ton freestyle, Donox. On t'écoute, c'est parti. Ok. Session freestyle par téléphone. Jer, T-O-N-O-X, la putain d'un gris, tu connais les pailles. Bienvenue sur Paname, tous les voleurs bon, vous passent le salam. Beaucoup trouvent de l'opinion, car actuellement ben tous dans le haram. On détaille la salade, renvoie qui l'opinion est près des salades. C'est moi une ambiance de malade, plus quotidiennement y'a du sang sur les salades. Écoute, tu sais MC qui s'encoule dans la déroute. J'aime mon buzz de Péry jusqu'à Beyrouth. J'aime mon buzz de Péry jusqu'à Beyrouth. Ah, voilà que les boules ramassent les douilles, ramassent les boules, tous les MC pètent un câble. J'allume la foule toujours dans le four, qui ouvre des foules, ça sûr que des mecs à sable. C'est très étonnant, comment les types ils parlent n'importe comment. Ils jouent tout son corps en pendant que les kiosques ils se prennent pour Conan. C'est très affolant, les meufs sont trinqués, ils mettent des collants. C'est des SNS qui gâtent les bits trop polyvalents. Ils croient tout ce que j'ai signé, mes potos se passent encore à laver. Tu faisais que j'inscris, mais non, tu me suces, va te faire, ça tu pédé. Tu vas t'avouer vous pédés en espérant tous nous voir tomber. Ils commencent à se combler dès que la bac approche, elle est condée. C'est la dinguerie, poteau. À l'instant avec Donox de Saint-Brice en freestyle dans l'émission. Merci à toi, Donox. Si, merci à vous. Petite dédicace à passer, petit message, on t'écoute. Si, petite dédicace, TKN, la famille, T2I, Moha, Alan, toute l'équipe, Yapo, TH, Loxy, comment ça s'appelle déjà? Ah merde. FDK, toute l'équipe, tous les gens du 9-5, tous mes gars de Garche, d'Orléans, Papis, tout le monde. Et bah, là, ça bouge pas. Et bah ça bouge pas, il n'y a rien pour le moment. Merci à toi Donox qui était avec nous en freestyle dans l'émission. On va écouter un autre morceau maintenant, extrait de cet album qui arrive lundi dans les bacs. Ouais. C'est un morceau qui s'appelle Ma Mélodie. Ouais, je voulais rendre, on voulait rendre hommage à un jeune Africain qui a fait une composition. Généralement on bosse avec de gros producteurs ici. Et on s'est dit pour une fois on allait donner la chance à un producteur, à un jeune producteur africain qui a fait la production de ce morceau. Et franchement on a tout kiffé et c'est l'un des meilleurs titres de l'album. C'est ça, qui est la ça s'appelle Ba Mélodie. Yeah, et ben on l'écoute maintenant, on le découvre. C'est extrait de cet album qui sort dans une semaine, Africainement Vôtre. La la la la yeah. C'est l'histoire d'une petite go qui a voulu fatiguer le gaou magicien. La, la, la, la, yeah. M'a rendu fou. La première fois j'ai posé mes yeux sur elle. Et elle était parfaite, oui, juste comme dans mes rêves. Et elle a cette belle mélodie qui fait danser mon esprit. Elle a cette belle symphonie, cette petite voix qui me suit. Elle m'a mis jusqu'à oui. Dans ma tête c'est gâté. Elle a pris contrôle de moi. Dans mon cœur ça fait poton poton. Elle m'a mis jusqu'à oui. Dans ma tête c'est gâté. Elle a pris contrôle de moi. Dans mon cœur ça fait poton poton. Ma mélodie dans ma tête elle est là. Elle fait la la la la. Elle me berce toute la nuit. Dans ma tête elle est là. Elle fait la la la la. Elle est ma mélodie dans ma tête elle est là. Elle fait la la la la. Elle me berce toute la nuit. Dans ma tête elle est là. Moi, c'est pour la vie. Toi et moi, bébé, permets-moi de t'approcher. Ta beauté me rend zinzin. Au fond de moi, je peux pas résister, oui. Je peux pas rester loin, loin de toi. Bébé, j'ai besoin de toi, tu vois. Je peux pas rester loin, loin de toi. J'ai soif de toi, yeah. Elle m'a mis jusqu'à, oui. Dans ma tête, c'est gâté. Elle a pris contrôle de moi. Dans mon cœur, ça fait poton, poton. Elle m'a mis jusqu'à, oui. Dans ma tête, c'est gâté. Elle a pris contrôle de moi. Dans mon cœur, ça fait poton, poton. Elle m'a mis. Complète ma bracata. Elle m'a bracata. La gola m'a bracata. Elle m'a bracata, bracata, bracata, bracata, bracata. Elle m'a bracata. Elle est ma mélodie dans ma tête. Elle est là, elle fait la la la la. Elle me berce toute la nuit dans ma tête. Elle est là, elle fait la la la la. Elle est ma mélodie dans ma tête. Elle est là, elle fait la la la la. Elle me berce toute la nuit. A des raisons qui ignorent la vraie raison. À l'instant, donc, ce morceau qui s'appelle Ma Mélodie, Magic System, ça sort dans une semaine, Les Magiciens, nouvel album africainement vôtre. Exact. Qu'on découvre toute la semaine sur Skyrock entre 20 et 21. DJ Abdel est où? Où il est, DJ Abdel? Où est le cinquième magicien? Il est là. Le cinquième magicien. Le magicien avec ses doigts d'or. Et pour l'histoire, c'est DJ Abdel qui avait fait Tango Tango des Magic System, qui avait été tube en 2012. Et je crois qu'à partir de cela, on a créé un bon lien, un bon contact. Et c'est resté, pour nous, quelqu'un de bien, c'est resté un ami. Et ce soir, il nous a fait l'honneur de venir à Planète Rap pour enjailler, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Il faut enjailler les gens. Ah, il faut enjailler là. Voilà. Abdel, je crois que tu es prêt, je crois que tu es chaud. Tu es prêt à faire enjailler la France entière? Coup d'envoi, medley du Magic System maintenant. Sous-la, midi soir, on était ensemble à la rue Princesse, au mille maquillots, à Salfo, payer le poulet. L'argent est fini, en tout a changé de côté. Waribana, elle a changé de côté. J'avais chanté un peu, même après cette eau, sois mes voix à la vidéo. Matin, midi, soir, c'est moi, je chante à la radio. En tout la vie, c'est elle, dit le gars où a percé. Attends, j'y vais partir le coupé. Hey, il faut bouger. Ryan Pitt. Africa, Mohamed Amin, aïe, Magic System, Akubayo, yo, sous, mon copé, aïe, Akubayo, yo, sous, on est entre nous, Rifi Abidjan, entendez-vous, 113 c'est lui et moi, et ce son c'est fait pour vous. Tu vois. ça va aller. On te met l'ambiance à gogo. Tous ensemble on fait le show. On t'invite à la magie. Y'a pas de raccourci. Oublie tes soucis. C'est bien faire la folie. On t'invite à la magie. Y'a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh oh oh oh. Je dis bravo, bravo à Abdel. Magic India pour finir ce medley à l'instant. Abdel, tu veux dire un petit mot? Bah, merci de m'avoir invité déjà. Merci à vous les Magic. J'ai pas ramené de pizza ce soir, désolé. Non, bah. Tu vas être copain avec eux, c'est pizza. C'est vraiment dans ma zombie. Hein. Et lesquels? Ah, toutes les pizzas. T'as tout. Pizza poulet. Voilà. Ok, bon, on va réfléchir à ça cette semaine. Très des tubes. Voilà. Non, il vous a donné le code. Hein. Ah, ben là, c'est merci, ça. Merci Abdel pour cette bonne petite info et merci pour ce medley. Ben, c'est merci, rien. Merci. Et bonne chance pour l'album. Voilà. Merci. Ouais, j'ai écouté, c'est vraiment de la bombe. Et voilà. On croise les doigts pour vous. Merci. Bon, et puis en soirée, quand tu mets Magic System, c'est toujours une valeur sûre en soirée. Même la soirée la plus pétée, tu peux la faire partir avec un soir. Franchement, c'est nos. Voilà, c'est Magic, comme on dit. Dès qu'on est en galère, Magic System. Ouais, quand t'es en galère, hop, c'est un petit Magic qui glisse. Et c'est vrai que c'est assez fou. Hein. C'est clair. Et le truc peut partir grâce à un soir. Dans le monde entier. Ah, ouais, c'est assez. Même en Chine. Ouais. Bon, quoi, ça marche. Ah, merci. Merci. Ça, c'est encourageant, ça. Bon, Magic System, juste avant de se dire au revoir pour cette première soirée, on va faire tourner la roulette. C'est parti maintenant. Skyrock t'offre le film événement Godzilla et ton lecteur Blu-ray 3D. Avec Nima de Toulon, salut Nima. Salut. Ça va bien? Ça va et toi? Ouais, je te présente les Magic System, ils sont là avec nous. Ouais, je voulais juste leur dire que je l'ai kiffé et quand il y avait Magic Indy à la musique, tellement j'ai levé les mains dans la rue. Ah, ah ouais, merci. Avec le portable, c'est pratique. Hop. Ouais, merci. Tu me prenais pour une folle, les gens, mais je m'en foutais un peu. Bah écoute, terrible, Nima. Bah c'est fait aussi, voilà, c'est ça, c'est pour donner voilà, du plaisir aux gens. Du plaisir, du tonus. Donc si dans la rue, t'as envie de lever les mains quand on est dans Magic System, vas-y. Vas-y. Lève la main. Même si on te prend pour tu vois, quelqu'un d'allumé, c'est pas grave. C'est pas grave, Nima. Et là maintenant, tu vas faire stop après les mains en l'air, stop. Ouais. Fais gaffe quand même, parce que Toulon. Quoi que ça va mieux là-bas. Oui, ça va mieux. Nima, tu vas aller voir Godzilla, le film événement, le film Skyrock qui sort mercredi. Non, et tu n'iras pas toute seule puisque c'est pas une ni deux, mais c'est carrément quatre places qui arrivent pour toi du côté de Toulon. On t'envoie ça. On te fait des bisous. Tu vas faire une dédicace ? Ouais, bien sûr. Mes dédicaces à mon frère qui a créé le stop avec moi, à mes deux meilleurs potes, Fatima et Fija, et à vous, Skyrock, continuez comme ça. Bisous, Nima. Bisous, ciao. Ciao, passez une bonne soirée. Merci au Magic System pour cette soirée. Merci. Ben, merci. Ce n'est que le début de la semaine. Ce n'est que le début. C'était voilà. Un très bon début. Voilà. Et je crois que toute la semaine, c'est comme ça. On va déstresser. J'ai dit que Magic System, nous, on vient pour déstresser les gens, pour enlever le stress. Les gens ont tellement de problèmes aujourd'hui que je crois que il faut pas se compliquer la vie. Il faut se donner de la joie. Il faut être positif. Et c'est cette positivité que Magic System vient partager. C'est le début. Je crois qu'ensemble, on va faire le décompte pour la sortie. Le décompte avant la sortie de l'album. C'est dans 7 jours. Mmh. Et voilà. Et donc, vivement demain à J-6. Vivement demain. Demain avec des invités. Tout à l'heure, on écoutait Premier Gaou. Il y a des jeunes gens qui ont repris Premier Gaou, Bana C4, qui vont nous accompagner dans ce studio demain. Et je crois que vous allez découvrir beaucoup de surprises demain. Il faut être calé, parce qu'avec Magic, c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. C'est ça, ouais. Et il n'y a rien pour le moment. Il n'y a rien pour le moment. Voilà. Merci à vous, en tout cas, les Magic System. Allez. On sera là demain entre 20 et 21. Et puis, tu as raison aussi de filer la réponse, parce que tout à l'heure, j'avais posé la question, quel était le premier gros carton des Magic System? Tu le disais à l'instant, ça a été Premier Gaou. C'était un Premier Gaou, oui. Et bah, grâce à ça, l'un ou l'une d'entre vous repart avec son album dédicacé. On remet tout ça demain et là on va retrouver D-Fool maintenant. Ah ouais, demain pour J-6 alors. J-6 D-Fool. Le compte à rebours a démarré. C'est ça. Exact. Et vous le suivez tout au long de la semaine dans Planet Rap. Magic System, c'est vrai que ça fait du bien. Ah ouais. Merci beaucoup. Et ben demain le rendez-vous c'est juste avant 20h. On vous retrouve avec Fred. Et tout le Magic System. On salue Abdel aussi. Oui, ah bah oui, au passage. Abdel la famille. Abdel oui, la famille. En parlant, oui, de la famille. Et ben la famille. Vous êtes un rocker maintenant dans l'équipe. Ah, tu as vu, il a une banane, Cédric. Et ça, je trouve ça classe sur une radio de rap de d'avoir. Il est venu nous montrer sa banane. Enfin, ta gueule, je viens de casser le dos, toi. Oh, dis donc. Oui, Fred. Il a fait des folies de son corps ce week-end. Je sais pas si vous êtes au courant, Magic System, mais il a fait des folies de son corps. Il s'est bloqué le dos, Fred. Pourquoi je le vois statique, il bouge pas. C'est pour ça, il bouge pas. Demain, si vous voulez rigoler, demain Magic System, faites-le danser. Ok, demain on danse le tango tango. C'est promis. Pas sûr. Tu vas me remercier, Fred. Ouais, ben super sympa, merci. Demain, donc ça, en plus ça c'est à pas louper. À pas louper demain. Encore plus fort que l'album à découvrir. Ben Fred, demain, on attend. Pour le tango tango. Avec le Magic System. Merci à vous, salut le Magic System. Salut Fredo. Et là c'est parti. Et dans quelques secondes, c'est parti en direct pour la Radio Libre. On démarre avec Black M sur ma route. Avec vous tous, vous êtes en direct dès maintenant. Ah ouais, ça va être très bien. Ben, j'espère que vous êtes prêts. Coup d'envoi, c'est parti. Eh ben allez. Allez, on y va. Ciao. Ciao.